Alors, qualitativement et quantitativement, d'abord, être précaire dans l'enseignement supérieur et la recherche, c'est, donc, comme on le disait, recevoir une rémunération au lance-pierre ou pas de rémunération du tout. Donc il y a quelque chose, il faut croiser à la fois le volume des rémunérations dont on a constaté qu'elles étaient faibles, et donc ce qui va contre une idée reçue ou pas reçue, mais une justification de la précarité qui dirait qu'on est précaire, mais on gagne plutôt mieux sa vie, justement parce qu'on n'est pas sur un emploi stable, donc ce qui est totalement démenti par les résultats de l'enquête, puisque ils gagnent plutôt beaucoup moins que les statutaires à diplôme comparable et même à ancienneté comparable. En fait, il y a une figure minoritaire qui se détache de l'ensemble de la population, qui est le postdoc, mais le postdoc dans la définition officielle, c'est-à-dire quelqu'un qui a une thèse, qui est sur un contrat de moyen terme, mais quand même suffisamment long pour développer une recherche, c'est-à-dire pas un contrat de 4 mois, comme c'est le cas pour beaucoup de docteurs, qui a une rémunération plutôt élevée du fait de ses diplômes. Cette figure-là, qui existe, qui fait partie des répondants, est une figure très très minoritaire à l'intérieur de la population dans son ensemble, et à l'intérieur de la population des docteurs. On y reviendra tout à l'heure. Tous les autres doivent faire avec des revenus annuels bas et irréguliers. Donc ça, c'est évidemment toujours ça, ces deux aspects qui sont à mettre en perspective l'un par rapport à l'autre, puisque être précaire, et c'est ça qu'on essayait de saisir en essayant de voir si les répondants avaient des mois à 0 € du fait des délais bureaucratiques de réception de l'indemnité chômage, du fait des vacations payées 6 mois ou 1 an après qu'elles aient été réalisées, toute cette discontinuité-là qui rend au quotidien la difficulté d'avoir un fonctionnement financier vivable. Donc toutes ces choses-là, évidemment, ont été vérifiées par les résultats de l'enquête. Alors pour vous donner un exemple, 29% des docteurs précaires n'ont jamais connu d'interruption d'activité au cours des 5 dernières années, donc ce qui est évidemment une minorité, moins d'un tiers, tandis que 41% ont connu une interruption d'au moins 6 mois au cours des 5 dernières années, ce qui dit quelque chose évidemment de non seulement la discontinuité, mais une discontinuité qui prend du temps. L'autre caractéristique de... Alors je vous lis pas hein, tous les chiffres que vous avez sous les yeux, mais donc sur le travail gratuit, on y reviendra de toute façon sur la question du travail gratuit. L'autre caractéristique de la précarité, c'est le cumul des employeurs, des financeurs, des fonctions et l'empilement des contrats, y compris sur des tâches qui sont les mêmes au cours du temps et qui rendent d'autant plus visible le manque d'emplois pérennes que viennent combler ces personnes-là. Donc on voit un des exemples les plus significatifs sur ce cumul des employeurs, des financeurs et des fonctions, c'est donc la catégorie des chargés de cours. On a pu constater qu'en plus de leurs heures d'enseignement en vacation, ils sont nombreux à avoir d'autres charges d'enseignement en dehors. Ils assurent en moyenne des enseignements dans au moins une autre institution en plus de l'université. Sur les 5 dernières années, ils sont 51% à avoir eu de 1 à 3 employeurs différents. Et 19% à avoir eu de 4 à 9 employeurs au cours des 10 dernières années. Donc, pour vous donner une idée de l'état de ce cumul des employeurs et des contrats. Une autre caractéristique qui est ressortie et de façon prépondérante, y compris dans les commentaires qualitatifs en fin de questionnaire, c'est le fait que la rémunération ne soit pas adaptée au diplôme et ne tienne pas compte de l'expérience. Et ça aussi, évidemment, c'est une des caractéristiques de la précarité, c'est qu'à chaque fois qu'on commence un contrat, on repart à zéro, puisqu'il n'y a pas d'historique, en fait, d'histoire, ni de reconstitution de carrière, comme quand on entre, évidemment, dans un statut, dans un emploi statutaire. Du coup, cette question de la non-progression de carrière, elle compte les premières années, mais plus le temps passe et plus les précaires sont des vieux précaires, c'est-à-dire sont en carrière précaire, et c'est particulièrement vrai pour les personnes qui sont dans des emplois administratifs, plus la non-reconnaissance de la progression de carrière résonne avec la non-reconnaissance par ailleurs du travail qu'ils font. Alors pour vous donner un exemple, dans la population des ITA Biatos, 59% déclarent n'avoir connu aucune progression au cours de leurs différents emplois, et 36% seuls une 36% ont vu une progression dans leur carrière du fait de leur ancienneté. En fait, quand on rapporte cette population-là à son ancienneté dans la précarité, on voit que les gens, voilà, quand ça fait 10 ans ou 8 ans qu'ils enchaînent les contrats, finissent par négocier à la marge quelques progressions de carrière, et l'écrasante majorité dit que de toute façon, dans le contrat, c'est pas prévu, donc qu'il n'y a rien de prévu à cet égard. Ce qui est ressorti aussi très fortement et qui l'a plus dans les commentaires de fin de questionnaire, c'est cette idée que la précarité renforce les rapports hiérarchiques et que les travailleurs précaires sont particulièrement à la merci de leurs supérieurs, et même que les rapports hiérarchiques ne sont pas seulement entre des personnes plus diplômées, plus anciens, etc., mais que le rapport hiérarchique se fait aussi avec des collègues ayant les mêmes diplômes, la même ancienneté, faisant le même travail, mais du fait même que ces autres sont statutaires alors qu'eux sont précaires, un rapport hiérarchique se fait du fait du statut d'emploi, en fait. Et que ça crée des tensions très fortes, et qui, bien sûr, s'expliquent quand même en grande partie par la dépendance des précaires par rapport au statutaire, ce qui crée des clivages forts aussi et des abus de pouvoir qui ont été fortement décriés dans les commentaires qualitatifs sur cette idée que ben voilà, on est des travailleurs de seconde catégorie, on est de toute façon, c'est pas forcément dit comme ça, mais la norme reste l'emploi statutaire, et donc la norme de légitimité aussi, et du coup si on n'arrive pas à entrer dans le système, ça veut bien dire qu'on a quand même un problème, qu'on fait quelque chose qui va pas, et donc ça a des conséquences en termes de ne pas avoir son nom sur sa porte, ne pas pouvoir signer un papier, toutes les vexations, ou pire que des vexations, du harcèlement moral a été régulièrement répercuté dans les réponses, harcèlement sexuel aussi, en lien avec la situation de dépendance par rapport au statutaire, qu'il soit supérieur hiérarchique ou non. Voilà, enfin, tous ces aspects-là, et c'était dans la diapositive d'avant, du problème d'ordre. Non, mais ça n'a aucune importance. Toutes ces choses-là sont rapportées évidemment à la vie privée et à la difficulté qu'il y a quand on est justement sur des rémunérations à la fois faibles, discontinues, mal reconnues dans son travail, etc., sur les difficultés de projection dans l'avenir, à la fois dans le métier, ça j'y reviendrai plus tard en conclusion, et dans la vie par ailleurs, la difficulté d'accéder à un logement parce qu'on a un dossier pour un propriétaire, un dossier de location qui n'est pas considéré comme fiable, parce que on peut pas faire d'emprunt, parce que voilà, toutes ces conséquences aussi d'installation familiale. Et on a vu que les précaires n'étaient pas des petits jeunes, enfin qu'il y a des gens qui sont en âge national moyen d'installation dans la vie familiale, qui du coup ça pose des décalages assez forts et qui sont dits fortement dans les commentaires qualitatifs. Alors on va passer maintenant à une focalisation sur donc une catégorie, une des sous-populations de répondants, que sont les docteurs sans poste.